écouter ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charline. Ah, je suis contente de reprendre mes marques. Moi. Nous aussi Charline, on est trop contents de te retrouver. Ah ouais, c'est ça. Oui. Dites un peu plus de sincérité s'il vous plaît. Quand même. Oui, le comédien, c'est un métier. Oui, c'est vrai, ah, d'ailleurs, il y a un article dans le Parisien sur le sujet. Ah bon, oui, les animateurs qui veulent être comédiens. C'est vrai, il faudrait prendre comme sujet ça. Ça va plaire notre invité. Ouais. Ça, ouais, très bien, très bien. Guillaume, et toi, tu fais quoi? Moi, je fais un reportage sur Glidden. C'est le site qui organise l'infidélité. Ah bah ça, enfin, tu vas traiter d'un sujet que tu maîtrises. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Ah, monsieur le gaucho. Mais attends, je suis le gauche, mais pas de tendance trop-scanienne. Je veux dire. Quand il s'agit de traiter la finance, on dénonce, et là l'infidélité, on va mettre sur un piédestal. Ouais, je te connais, j'ai jamais trompé personne, moi. Guillaume, oui, chef. Tu vas pas faire l'apologie de la tromperie. De la quoi? La tromperie. J'ai jamais entendu ce mot-là, moi je sais même pas ce que ça veut dire. Oh là là, le monsieur Jourdain du Sgeg, il fait de la tromperie sans le savoir. Mais pas du tout, mais n'importe quoi. Et comment tu vas faire ton reportage? Oui, je vais te le dire comment il va le faire. Il va s'inscrire sur Glidden, monsieur, bien sûr. Il va rencontrer des femmes infidèles, oui, bien sûr. Il va leur tendre son micro, et puis il va tendre le reste. Ça va, ça va, merci, on a compris. Dis d'ailleurs, tu m'as l'air bien spécialisé en infidélité, allez. Ah, c'est non, vrai, non, je vais t'interroger pour mon reportage. Parce que j'ai un ami. Ouais, c'est terminé, deux là. Hein. Bon, Guillaume, je te demande juste d'être professionnel dans ton approche. Oui, sinon, c'est moi qui me sentirais trompé. Ah, tout le monde se sent trompé. Et je vais vous dire, c'est même ça le problème. Parce que même la fidélité, c'est une forme de tromperie. Ah, c'est beau. Oui, mais c'est idiot. Non, c'est pas idiot. Non. Même la fidélité, c'est une forme de tromperie. Exactement. J'avais jamais pensé à le formuler comme ça. Oui, parce que c'est idiot. Non, c'est pas idiot et c'est pas de moi, je vais vous dire. C'est de qui? C'est de Lao Tzu. Non. Et Lao Tzu, c'était un sacré cutter. Peut-être, mais c'est idiot. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Oui, si c'est un petit peu 50 fréquences radio. Et voici les trois informations qui vont morfler jusqu'à 18h. Ce soir, le bureau national du Parti Socialiste doit redevenir un lieu du vivre ensemble. Pour ramener les frondeurs dans le rang, Jean-Christophe Cambadélis va taper du poing sur la table avec un discours très clair et très concis. Groupir ! Il faudrait groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il groupir. Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Avant de toucher une prime de départ, Sanofi est très prévoyant. L'entreprise a pensé à une prime de bienvenue pour accueillir comme il se doit son nouveau président. Le bonus de bienvenue s'élève à 4 millions d'euros. Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là. Bah non, mais... Non, on ne les regardait déjà pas à la télévision, donc il y a peu de chances qu'on aille les voir au théâtre. Les présentateurs montent sur les planches et on a peur qu'elles cèdent sous le poids de leur talent. J'affirme bien haut, je joue mal. Et pour vous livrer ces infos chaudes en 2 fois 30 minutes, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, on ne sera donc pas invité au juste prix. Et autour de la table, que du beau monde à 17h20. Avant, quand on lisait un article scientifique, on riait parce qu'on ne comprenait pas. Maintenant, on ne le comprend toujours pas, mais si on rit, c'est parce que Nicole Ferroni a essayé de nous l'expliquer. Quoi on parlera? Nous allons parler des Césars, enfin pardon, de César, excusez-moi, de Jules César et de Marion Cotillard, bien sûr. Oh là là, et à 17h40, l'un des films les plus célèbres d'Antonioni était Profession Reporter. Lui aussi, sa profession, c'est reporter, sauf que sur les 3 minutes et demie de ses reportages, on rigole plus que dans toute l'œuvre d'Antonioni. Oh. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis intéressé à la plainte déposée par les AFC, les associations françaises catholiques, contre le site de rencontre extra-conjugale Glidden. J'ai notamment appelé le président des AFC. Je suis pas certain en fait que ce soit un très bon sujet pour rigoler. Ah, c'est dommage. Et pour toutes vos plaintes, vos courriers, nous sommes aussi sur les réseaux asociaux. Réagissez sur Twitter, hashtag annule tout, et devenez notre ami imaginaire sur Facebook. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous René Coty. Vous débutez au cinéma dans Eau profonde de Michel Deville en 81. C'est l'année où Nathalie Wood se noie au large de la Californie. Vous interprétez le docteur Larcher dans l'excellente série Un village français à partir de 2009. Quant à Berlin, Usain Bolt bat le record du monde du 100 mètres. Et vous dirigez les Tréteaux de France, le centre dramatique national itinérant, à partir de 2011, quand François Hollande entame une tournée nationale dans son meilleur rôle, celui du candidat normal à la présidentielle. Et donc, vous êtes... Je suis Robin Renucci. Oui, bienvenue sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. le patron des Tréteaux de France. Et donc, vous aurez un regard, j'imagine, d'expert sur nos comédiens politiques. C'est beaucoup demandé. Alors, en tout cas, vous publiez, Robin Renucci, tous ces hasards qui n'en sont pas, avec Isabelle Franck aux Presses de la Renaissance, une biographie autobiographie. Alors, la démarche, c'est de montrer que quand on n'est pas le fils d'eux, un fils d'eux, il y en a beaucoup dans votre métier. Chez les cas, oui. Non, ben voilà. On peut changer la trajectoire de son destin, on peut se forger quelque chose, on peut rêver. Vous dites, c'est même un droit. Et ça, c'est un message à la jeunesse. Oui, c'est un livre qui veut témoigner de fidélité que j'ai eue envers ceux que j'ai rencontrés dans mon enfance. En premier, mes instituteurs, mes professeurs, tous ceux du monde scolaire auxquels je dois énormément et auxquels je suis très attaché aujourd'hui. Et puis ensuite, après l'école, ceux que l'on appelle les militants de l'éducation populaire, par exemple, ceux qui se soucient davantage des autres que de leur intérêt individuel et qui ont toujours, selon la vieille histoire de Condorcet, tenté que la République soit plus forte tous ensemble parce qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble, mais qu'est-ce que autre chose que vivre ensemble, sinon faire des choses ensemble ? Et ce qui est parfois un petit peu dichotomique. Et tiens, relisons Condorcet, tant qu'on y est alors. L'écriture, c'est assez particulier chez vous parce que j'ai lu dans le livre que lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous avez commencé à tout consigner. Vous avez carnets très très fournis, donc l'écriture c'est quelque chose, ça fait partie de ça vous accompagne. Passionné par un gars qui s'appelait Lagrange, si je puis dire, un gars qui était en fait l'acolyte de Molière, qui notait absolument tout, qui fait qu'on a des tas d'informations sur la vie de Molière, comme j'étais très très... C'était le Platon de Molière, parce que Platon est à Socrate. Exactement, oui, c'est une bonne façon. Sauf que Molière était vivant au même moment, quand même. Et que Socrate, lui, en effet, n'a jamais rien écrit. Molière a écrit un petit peu avec Corneille, sans doute, mais en fait, il a sans doute écrit aussi. Mais enfin, ce Lagrange-là consignait tout, et j'adorais l'idée de tout noter, pour garder simplement des archives qui me permettaient, en réécrivant ce que j'avais vécu dans la journée, pas comme sous forme de journal, c'était toujours très très dans le travail professionnel, mais de retrouver, de revivre une deuxième fois, et ce que je peux transmettre d'ailleurs plus facilement aujourd'hui. Avec les Tréteaux de France, vous allez toucher tous les publics. Alors, on entend souvent les politiciens dire « je suis allé à la rencontre des Français ». Mais alors, les Tréteaux de France, ils vont vraiment partout ? Ils doivent aller partout, ils doivent apporter le théâtre là où il n'est pas. C'est la grande aventure de Jean Danet qui a été fondée en 1959, puis reprise par Marcel Maréchal. Depuis 2011, j'ai cette belle mission d'aller justement voir le plus près les gens, mais en travaillant avec eux, en faisant quelque chose avec eux. Non pas en apportant un spectacle parisien à la province, qui est une vision condescendante, mais en restant davantage sur le territoire et en faisant avec le public. On pourrait dire que c'est un lieu de création qui mène à une diffusion. Vous voyez, on diffuse. Et moi, j'appelle aussi l'infusion tout ce qui se passe sur le territoire, c'est ce qu'on fait avec les gens. Est-ce que la comédie française ne fait plus trop que d'aller jouer en province, d'aller montrer les spectacles ? Est-ce que c'est le complément de ça ? Alors, comme je vous le disais, c'est moins montrer, hein, parce que l'idée de montrer le spectacle, c'est considérer que on montre à un œil qui n'est pas forcément en train de construire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avec les gens. C'est-à-dire que cette façon d'écrire avec eux, de faire leur portrait, de vivre un moment de théâtre différent, de vouloir simplement apporter le spectacle là où il n'est pas, me touche beaucoup. Il y a un peu de l'école Jean Vilar là-dedans ? Ah ben complètement. L'élargissement des publics, c'est-à-dire ce droit que chacun a à rencontrer les œuvres et à être œuvré, si vous voulez, hein, pas seulement avoir du spectacle, qu'on augmenterait comme offre, parce qu'on sait que quand on augmente l'offre, en fait, on augmente les inégalités, soit à peu près toujours les mêmes qui vont au théâtre. Donc, créer le désir, c'est pour ça que le monde de l'école est si important dans ma démarche. Lorsque nous sommes sur un territoire, nous rencontrons le corps enseignant, les amateurs, qui sont très importants. Qu'est-ce qu'un amateur, sinon quelqu'un qui peut devenir justement ensuite un professionnel, mais qui peut toute sa vie être passionné. Voyez Alex, c'est pas perdu. Je me bats. Donc voilà, tous ces gens, nous les rencontrons. Et puis ça fait suite à l'aventure de l'ARIA que j'avais fondée en Corse et qui est la suite exacte de ces pensées. Mais après, rassurez-nous, vous rentrez dans le 16e arrondissement de Paris. Et bien justement, nous avons quitté le 16e arrondissement car les bureaux des Tréteaux de France étaient dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, ils sont à Pantin et ça me convient parfaitement. Et bien, nous sommes avec Robin Renucci qui publie tous ces hasards qui n'en sont pas. Vous expliquez aussi votre conception du théâtre, d'aller rencontrer le public, etc. Tout ça est dans le livre. Et on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission parce qu'il y a des ponts avec le politique, parce que vous êtes engagé, vous êtes citoyen. Les ponts et les chaussées, des viaducs même des avec routes. Vous. Allez, un petit Nino Ferrer dans les oreilles. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. Ta-da! dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. De la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Nina Ferrer, les cornichons, ce sont ceux qui m'entourent aujourd'hui. Il y a Nicole Ferroni, Guillaume Meurice, Alex Vizorek et notre invité, bien sûr, Robin Renucci. Que vous traitez de cornichons comme ça? Le voilà. Chef des cornichons aujourd'hui. Mais c'était peut-être en deux mots, cornichons, on ne sait pas. C'est pour vous, ça, peut-être. Ah oui, moi, jeu de mots. Ah oui, comme ça, vous. Moi, je suis comme ça. Nicole Ferroni est sur le pont. Hein. Ferroni, elle oui, est sur oui. le je ne lui présenterai pas Stéphane de Groot parce que sinon, nous ne comprendrions plus rien à leur discussion. Ni Jean-Marie Bigard. Voilà, ça vous ennuie si on fait une revue? On est prêt. Attention, c'est parti. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Le 31 mars, la Cour d'appel rendra sa décision pour interdire ou non Uber Pop, ce système de taxi où des particuliers s'improvisent chauffeurs. Oui, c'est la loi Thévenoud qui pourrait conduire à l'interdiction de cette pratique. Ah, vous voulez dire de Thomas Thévenoud? Oui, oui, oui, oui. Ah ouais, donc le type, il est resté 9 jours au gouvernement, il a eu le temps de faire une loi qui porte son... Oui, oui, oui. Ah, mais ça marchera jamais. Hein. Ah bah pourquoi? Bah à tous les coups, il aura oublié de faire promulguer la loi. C'est pas impossible. Passons au cinéma. Oui, Marion Cotillard n'a pas reçu d'Oscar, mais elle n'est pas rentrée bredouille de Los Angeles. Comme certains nommés qui n'ont pas décroché de statuette, elle a eu droit au lot de consolation dont vous vous êtes procuré le détail, Alex. Oui, tous les nommés aux Oscars ont reçu un cadeau, un pack qui comprend notamment un séjour de 3 nuits en Toscane et un trajet en train de luxe à travers les Rocheuses canadiennes. Ah, oui. C'était un aller simple? L'article ne le dit pas. Ah, bon, de toute façon, les Rocheuses canadiennes, c'est clair que c'est dans le but d'éloigner Marion Cotillard. C'est pas très gentil et vous ne pensez pas si bien dire, Charline, puisque François Hollande part jeudi en visite d'État aux Philippines, une visite consacrée à la lutte contre le changement climatique. Qui l'emmène? Nicolas Hulot. Non. Yann Arthus Bertrand. Non. Mélanie Laurent et Marion Cotillard. Il faut croire qu'il aime bien les actrices, ce garçon. Et il va en avion, je suppose, pour son empreinte écologique. Bien sûr qu'il va en avion, mais c'est pas ça le pire pour le climat, c'est que Marion Cotillard est censée prononcer un discours. Elle lancera l'appel de Manille depuis le palais présidentiel philippin pour, selon l'entourage du président de la République, solliciter la mobilisation avant la conférence de Paris. Voici un extrait. Je voudrais rendre hommage à toutes les espèces en voie de disparition. Les tigres de Sumatra, les hippopotames nains. Oui, merci. Non, mais le rhinocéros blanc. Oui, oui, enfin, ça... Il y a aussi le panda géant. Oui, mais enfin, on a compris. Et le... n'oublions pas l'ours polaire. Oui, merci, non, ça va. Le gorille des montagnes. Merci, bon. Ou le beluga. Oui, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Aussi... Stop. Voilà, voilà. Selon nos informations, d'ailleurs, certaines espèces se seraient éteintes pendant le discours de Marion Cotillard. Très bien. Alors, restons dans les acteurs. Vous avez un son pour nous, Alex. Oui, une personne de l'actualité qui, avant d'être politique, a été comédien. Alors, Robin Renucci, vous pourrez nous dire s'il est bon comédien, mais surtout, 100 points à celui qui trouve qui sait. 1967, un téléfilm, il donne la réplique à Paulette Dubost. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. Tiens, Péril Jaune, tu dînes avec moi ce soir ? D'accord, si on fait vite. Allons, bon, là que même les Chinois sont pressés maintenant. Mm. Ah, ma pauvre dame, on aura tout vu. Tiens, passe-moi le coup. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Manuel Valls ? Non, c'est plus âgé, c'est à droite. Guillaume Meurice, vous auriez dû le reconnaître. Estrosi. Non, mais c'est presque parce que vous l'avez eu à votre micro et vous l'imitez pas mal. Balkany. Charline est stupéfaite. Patrick Balkany. Shocking. C'est pas comédien, ce qui ne surprend au final pas grand monde, mais il n'était pas. Il est encore. C'est dur pour le métier. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez le réentendre pour juger de la qualité? Un petit peu. Oui. Allons-y. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. Tiens, Péril Jaune, tu dînes avec moi ce soir ? D'accord, si on fait vite. Allons, bon, là que même les Chinois sont pressés maintenant. Mm. Ah, ma pauvre dame, on aura tout vu. Tiens, passe-moi le coup. Il a du coffre, quand même. Il a du coffre. Il a fumé des clopes, hein, depuis, des cigares, je pense. C'était cadeau. Et vous avez encore un cadeau, J'ai encore un cadeau pour vous, l'un de vos chouchous, Arnaud Montebourg, en cours à Princeton. Il a répondu à la question, êtes-vous un super-héros ? C'est dire si les étudiants américains ne connaissaient pas du tout. Mais il a répondu humblement. Cela dit, il y a un indice dans le son que vous allez entendre qui prouve que ce n'est pas un super-héros. On l'écoute. I'm not Superman, because I didn't... I wasn't able to change the course of the austerity programs in Europe. Et l'indice, c'était on n'est pas un super-héros. What an accent ! Parce qu'on n'a pas un bon accent. C'était bien mes cadeaux aujourd'hui. You are listening France Inter. Yes. Robin Renucci est avec nous, around the table. Avec un very good book, Tous ces hasards qui n'en sont pas, paru aux presses de la Renaissance. On va en parler un petit peu. Tiens, il y a des sujets connexes avec les thèmes qu'on va aborder. Premier sujet, vous êtes prêts, Robin Renucci ? Oui. Ce soir, attention, fini de rire au PS. Le secrétaire général Jean-Christophe Cambadélis va se fâcher tout rouge, enfin tout rose, enfin tout. Bon, bref. Il va adresser un message de fermeté aux frondeurs. Mais non, bande de crétins ! T'as entendu crétin ? Moi aussi j'ai entendu crétin. Sergent, vous avez dit crétin ? Mais pourquoi ? Vous vous adressiez à nous tous ou à quelqu'un en particulier ? À vous tous, vous êtes tous aussi crétins les uns que les autres. Bon, parfait, dans ce cas-là, vous pouvez continuer. Les bidas en folie, nous avons de grosses références dans cette émission. Attention, un membre de la direction nationale du PS a prévenu dans la presse, il a dit « ça va être viril ». Attention. Donc, c'est-à-dire que le son qu'on vient d'entendre, c'est rien du tout à côté de ce qui va se passer ce soir au bureau national du PS. Alors donc, la direction va demander aux frondeurs de rentrer dans le rang. Mais ce matin, Marc Fauvel, dans son édito politique dans le 7-9 sur cette antenne, rappelait que c'est quand même François Hollande qui a changé de ligne un petit peu en cours de route. Pas tellement les frondeurs qui ont toujours suivi la même ligne. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Quel regard vous portez sur cette fronde, cette rébellion au sein du PS où tout le monde se met sur la gueule, disons-le, hein ? C'est vrai qu'il y a un grand écart, de toute évidence. Donc, ceux qui sont un peu plus libéraux vont trouver ça très bien. Ceux qui ont envie d'être un peu plus sociaux et plutôt à gauche de la gauche vont trouver ça dramatique. C'est ce qui se passe. Mais quand on parlait d'Arnaud Montebourg tout à l'heure, c'est lui qui avait fait cette loi pour la croissance et le pouvoir d'achat, hein, qui est devenu en fait, et les mots comptent, la loi pour l'égalité des chances économiques. Voilà, on est bien dans le langage, on est bien dans les éléments de langage, dans la transformation de la langue. Et c'est un peu ça que je reproche, c'est qu'au fond, et je suis très attaché à la question de la langue française, c'est qu'on parle mal aux gens. Et au bout d'un moment, on finit par avoir des gens qui vous disent « on ne me parle pas, ça ne me parle plus », on se détourne de la politique dans ces conditions-là. C'est ce qu'on appelle la novlangue ou le langage techno, on est déconnecté du langage des politiques ? Voilà, et puis on est dans des éléments de langage, c'est-à-dire on est dans le gramme, on est dans le grain, si vous voulez, alors que la pensée, ce qui fait un collier, ce ne sont pas les perles, c'est le fil qui passe dedans, et on ne le voit plus ce fil. On ne voit plus que des grains, des morceaux de langage, voilà, qui ne nous parlent plus et qui font que, ben, on se détourne. Il y aura ce congrès de Poitiers en juin qui va être catastrophique. démographique, dans la mesure où là, les élections départementales arrivent. On va avoir des gens sur les territoires qui finissent par se scinder. Et il y a 60% de nos concitoyens aujourd'hui qui perdent pied, puisqu'ils ont laissé passer le train de la mondialisation. Ils sont invisibles, abandonnés, et ils se tourneront vraisemblablement vers des extrêmes progressivement. Alors, je disais qu'il y avait des liens avec votre livre, parce que j'ai pensé, en lisant cette phrase de vous, j'ai pensé au bureau national du PS ce soir. Ah oui. Quand vous dites « Le pouvoir m'intéresse, mais pas pour dominer les autres, pour générer du collectif. » Et vous êtes le patron des Tréteaux de France. Et le vivre ensemble, il y a certains politiques qui disent quand même « Le parti, normalement, c'est l'endroit où on rappelle les règles du vivre ensemble. » Quel exemple désastreux, non ? Voilà, comme je l'ai dit, vivre ensemble, c'est faire ensemble. Quand les gens ne font plus du tout ensemble, ils ne sont plus du tout à la même cour, ils ne jouent plus ensemble, ils vont faire donc semblant, c'est sûr, de nous faire croire qu'il y a l'union, le rassemblement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, quand je parle de pouvoir, ce n'est pas tout à fait mes mots. C'est-à-dire que ce que je regrette, c'est ces mots qui sont pouvoir d'achat, comme si c'était un réel pouvoir, que la seule valeur soit le prix des choses, alors que la valeur, c'est aussi la richesse, de grandes richesses autres que les richesses financières dans lesquelles nous sommes uniquement dans des fourches codines qui nous rapetissent, qui font de nous un monde binaire des consommateurs et des producteurs, des débiteurs et des créditeurs. Nous ne sommes plus que cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette place, disons, pour une élévation personnelle qui fait qu'on est différent d'être simplement des jetons dans un échiquier. Vous qui êtes attaché au mot, le pouvoir d'achat, donc c'est en fait faire croire aux gens qu'ils ont un pouvoir. Ils n'en ont plus aucun, puisqu'ils sont ramenés à travailler même pendant leur temps libre. Alors leur temps libre, on sait que des gens passent leur week-end entier à consommer. On dit ce mot qui est devenu terrible, on se consomme en consommant, chacun le sait. Donc c'est une diminution, un rabaissement, quand je dis, alors qu'il devrait s'agir pour nous tous d'avoir un sujet d'élévation et déjà commencer par la langue qui ne devrait pas se déformer à ce point. Nous avons un fantastique référent de la République aujourd'hui avec nous, oui. Robin Renucci. J'aime la République, je suis tout à fait citoyen. J'ai une question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la fin, simplement la fin du clivage gauche-droite et qu'on va vers un clivage libéral-antilibéral tout simplement ? Moi je suis pas tout à fait sur un constat qui serait, encore une fois, binaire. Je pense qu'il y a inventé un monde, qu'il est en train d'arriver, qu'il se passe dans toute la France aujourd'hui, des initiatives extraordinaires sur lesquelles on ne porte pas l'attention parce qu'elles n'intéressent personne. C'est un monde de la contribution où les gens tentent par d'autres moyens que celui du rapport du consommateur et du producteur d'inverser ces valeurs-là. Et il me semble que c'est en train de naître. Ça se fait, ça existe depuis de longues années. Beaucoup en ont testé les exigences et les réussites, simplement ça n'est pas assez regardé. Donc je pense que le clivage, les clivages, les séparations ne vont pas durer très longtemps. Il va y avoir ce que l'on regrette, c'est-à-dire cette communion que nous avons vécue les 11 janvier dernier et autour des dates, on voit bien à quel point c'est dissipé dans la communauté musulmane, dans la communauté juive hier, aujourd'hui dans le Parti Socialiste et ailleurs. Ces mondes de clivage, je pense qu'il y a un moment où ça ne pourra plus durer. Donc on retrouvera un besoin de faire ensemble différemment, mais ça ne se fera que si l'on construit avec l'autre quelque chose et que l'autre n'est plus un ennemi, un compétiteur, mais quelqu'un qui travaille aussi à l'accomplissement de l'intérêt général. Ce qu'on déplore en fait, c'est la perte de l'intérêt général pour les intérêts privés. On le voit encore avec cette histoire de 4 millions de ce... Eh oui, on aura l'occasion d'en parler du voilà. Thème Sanofi. C'est le thème 2 que vous anticipez, mais je suis sûr ce que vous thème de l'intérêt général, il est majeur. Vous êtes un frondeur culturel. Hein. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et tiens, prenons un petit peu l'actualité par le prisme de la poésie et de l'élévation spirituelle. Oui, avec Nicole Ferroni, qui est à vos côtés. Ah oui, je pensais que c'était ma chronique, je me disais, il y a un problème, d'accord. Mais non, Guillaume. Enfin, moi, c'est vrai qu'au début, j'avais prévu de parler des Césars, et puis là... Voilà, quand j'ai vu toutes les critiques que vous avez faites sur Marion Cotillard tout à l'heure, sous-entendu son discours était très long, était très flou, était un petit peu comme une chronique de Nicole Ferroni, je me suis dit que non, je n'allais pas parler des Césars, mais du César, le Jules César, l'empereur romain, enfin surtout de son beau-père, hein, Piso Calpurnus, et sa magnifique collection de papyrus qui sont au cœur actuellement d'une actualité scientifique incroyable, puisque, comme nous l'indique l'article récent dans le magazine Nature Communication, mais c'est aussi dans Science et Vie, des chercheurs ont enfin réussi à lire l'intérieur des papyrus qui constituent pour nous la seule et unique bibliothèque antique qu'on ait à ce jour. Ce qui n'était pas évident puisque contrairement à Marion Cotillard, ces papyrus étaient très vieux et très abîmés. En effet, il faut savoir que Piso Calpurnus, donc le beau-père de Jules César, avait stocké ses papyrus dans sa maison à Herculanum, petite ville située pas loin du Vésuve. Ah, oui. En 79, ce volcan entre en éruption, ce qui recouvre alors de cendres, de lave et de... de mort, les villes voisines, notamment la ville de Pompéi, dont tout le monde parle, parce que certainement ils ont une très bonne attachée de presse, et celle aussi d'Herculanum, où se trouvait justement la fameuse maison de Piso. Du coup, les 600 différents papyrus contenus dedans sont alors carbonisés, ensevelis pour des siècles et des siècles, enfin 17 en particulier, puisque 17 siècles plus tard, à savoir en 1754, des fouilles archéologiques exhument à nouveau ces papyrus. Et parmi ces 600 papyrus exhumés, 6 sont offerts en 1802 par le roi de Naples, Ferdinand IV, à Napoléon Bonaparte, afin qu'il les déroule et qu'il les publie. Du coup, la France, forte de son pouvoir technologique, confie cette périlleuse mission à Raoul Rochette, dont l'équipe utilisera pour dérouler les papyrus, la fameuse machine à dérouler les papyrus, machine dit Piaggio, qui aura pour effet de pulvériser littéralement ceci, du coup, oui, voilà, en poudre, quoi. Du coup, les Italiens de l'Officina des Papyrus de la Biblioteca Nazionale, jaloux de ne pas avoir participé à cette destruction, demandent en 1985 à leur tour d'avoir des papyrus pour les dérouler, et ce fut un brillant succès, puisque de 2 papyrus, ils en ont fait 600 morceaux. Donc, riches de cette réussite respective, Français et Italiens décident enfin de mettre leurs compétences en commun pour tenter de lire le reste des papyrus, à savoir donc plus que 2 papyrus. Ils cherchent d'abord une technique chimique qui permettrait de différencier l'encre du support, donc la feuille de papyrus, l'encre du support, la feuille de papyrus, qui n'ont peut-être pas la même composition. Ils se disent que peut-être, je ne sais pas, les papyrus, eh ben, comme les mamyrus, sont peut-être imbibés de vodka. Ce qui ne serait pas le cas de l'encre dessus et qui permet de distinguer l'un de l'autre. Mais c'est un échec, puisque les papyrus, en un seul mot cette fois-ci, sont des plantes et qu'elles ont été ici carbonisées, alors que l'encre qui a permis d'écrire dessus est elle aussi formée par la carbonisation des plantes. Il faut savoir qu'avant, pour fabriquer l'encre, on brûlait des végétaux dans une pièce, la suie se déposait sur les murs, on la raclait ensuite pour collecter la matière noire qui formait l'encre. Ça un peu comme quand ma mère fait du flan au gras, vous savez, où elle met comme ça des grandes tranches de lard dans le salon, elle met le feu, et ensuite le gras mêlé à la suie se dépose sur les murs, elle les racle, elle met tout ça dans des petits ramequins qu'on mange en famille. Et donc, puisqu'il n'était pas possible d'identifier l'encre par sa composition, les chercheurs ont eu cette fulgurance. Alors ça a pris 200 ans, c'est pas une fulgurance, c'est une fulgurance, d'en étudier le tracé, et par une technique d'imagerie non invasive, c'est-à-dire qui n'oblige pas à ouvrir le papyrus, technique nommée tomographie par rayon X à contraste de phase, autrement appelée XPCT, à ne pas confondre avec XPTDR, qui veut dire extra pété de rire, qui là est une technique invasive d'approche sur les réseaux sociaux. Donc par XPCT, ils ont réussi à identifier des différences d'épaisseur même infimes laissées par l'encre sur le papier, qui a permis de révéler les textes intérieurs de ces papyrus et donc de révéler le sens de cette unique bibliothèque antique. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un espoir pour comprendre le discours de Marion Cotillard. Parce que, ok, comme pour les papyrus, Marion Cotillard a un contenu linguistique qui nous échappe, qui est totalement incompréhensible. Comme dans les papyrus écrits en grec, ces phrases n'ont ni ponctuation ni espace, mais peut-être que comme dans les papyrus, on va réussir à révéler le sens intérieur sans en froisser l'extérieur. Ce serait dommage, elle est jolie. Et ainsi, à condition, bien sûr, qu'elle accepte, comme les papyrus, de mettre un peu de relief à ses propos. Merci, Nicole Ferroni. Vous savez, Marinucci, que Nicole Ferroni a quitté l'ééducation nationale. J'aime beaucoup, j'admire. Et voilà. Le langage est présent. Il y a du gramme. Vos élèves ont dû adorer. Il faudrait la voir également parce que les gestes sont très intéressants. Ah, je brasse beaucoup d'air. Si je peux me permettre une chose, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce papyrus? Alors j'y avais 2 mots pour l'instant ils ont révélé 2 mots. Moi aussi je me suis posé la question. Et Marion et Cotillard. Mais non, l'article ne le dit pas et ça c'est fou. J'ai dû aller chercher un peu. Ben merci en tout cas. Il y avait Epoy et Epoy et Piptoy. Oui, Piptoy, voilà, ça veut dire. Mais qui veulent dire respectivement tomberait et dirait. Voilà, pour l'instant, ils ont mis que 2 mots. Tout ça, pour ça. Voyez, Nicole Ferroni qui a quitté l'éducation nationale pour notre plus grand plaisir à nous, finalement. Et elle parle à beaucoup plus de gens, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le bureau, petite confidence, Guillaume Brie, vous avez dit, Nicole, tu vas quand même faire un jeu de mots sur papyrus. Ah ben oui, j'avais parié. Et celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Allez, nous sommes en compagnie de Robin Renucci, qui est avec nous jusqu'à 18h. Il a tout annulé. On va parler avec lui du grand méchant capitalisme bientôt. No one is wrong or right. I want to end our fight. Let's dance our way into the light. We never saw inside. Love is not what has failed. Why can't we both be saved? For the old games we've played, we have already paid. Stranger. today is a new day. We'll throw our regrets away for the old games we've played. We have already paid. Stranger, lover, this day will be our last. Stranger, lover, if you're swallowed by the past. Stranger, lover, this day will be our last. Stranger, lover, come heal in my eyes. Nous sommes avec Robin Renucci, qui vient d'écouter comme nous Stranger Lover de IBI. Parce qu'on l'a forcé, on l'a obligé. Et il est resté, malgré tout. Merci, merci d'être. Non, mais c'est très bon. C'est gay, IBI, Stranger Lover. C'est pas l'adjectif que j'aurais choisi. Non, mais c'est joli. Moral, mais c'est joli, moi j'aime beaucoup. C'est joli. C'est beaucoup, c'est beau, c'est très bien. C'est très bien. C'est beaucoup très bien. Ça m'a ému, c'est pour ça. Vous êtes sur France Inter, hein, restez avec nous surtout. On va étudier le sujet 2. On va parler d'autre chose, hein, de Sanofi. Là, la transition va être difficile. Chez Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, en guise de petit cadeau de bienvenue, on offre 4 millions d'euros au nouveau patron. La France entière est choquée, mais on ne va tout de même pas reprocher à une entreprise d'avoir le sens de l'accueil, n'est-ce pas? Ça, c'est, voilà. Et on sait tous à quel point c'est important. Bienvenue chez moi. Tu seras bienvenue chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce oui, que là, tu crois. Oui, là, il vaut beaucoup, beaucoup plus tout de suite, le patron de Sanofi, hein, c'est sûr. Ça s'appelle un bonus de bienvenue. C'est formidable. C'est la petite surprise qui fait toujours plaisir, comme dans le paquet lessive, le cadeau bonus. Hein, c'est 4 millions, voilà. Dans les mots aussi, c'est une indemnité de compensation aussi. Exactement. En quittant la maison précédente, voilà, on a estimé que c'est ce que... Comme un joueur de foot. Oui, c'est ce que nous dit Mme Parizeau. Pour insuffler un nouveau dynamisme au groupe. C'est écrit dans Libération ce matin. C'est un gros dynamisme. Oui, c'est une grosse dynamo. Un gros moteur, hein, je ne sais pas. Quand il y avait quand même 5000 postes qui ont été supprimés au cours des 6 dernières années dans cette entreprise, c'est bon de le rappeler. Oh, ne gâchons pas son bonheur. Attends, si jamais il nous écoute. Mais oui. C'est vrai. Et voilà. En même temps, il y est pour rien, ce bonhomme. On lui propose. Si ça tombe, il serait resté ailleurs. Moi, j'ai une question. Est-ce que les patrons ont des agents? Non, mais en plus, c'est une vraie question. 10%. C'est non, mais c'est une vraie question. Il y a des chasseurs de têtes. Sans doute. Ils ont le marché, quand même. Parce qu'il y a un mercato de PDG. C'est le marché. On dirait un mercato. Oui. Voilà, donc pour non, mais c'est là que les actionnaires et les dirigeants se soutiennent. C'est quand même clair que personne ne lève tellement le doigt cette question. On parle bon, d'indécence, de morale, mais au fond, c'est un écart gigantesque tout de même entre les salariés qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois et puis. C'est somme tout à fait gigantesque là. Donc, ouais. Mais surtout, comment on fait pour dépenser autant d'argent? Et les emporter dans sa tombe, surtout. Mais oui, c'est fou ça. Pour sa succession, comment est-ce qu'on fait? Allez-y, non. Je voulais revenir sur donc, le monsieur syndicaliste de la boîte qui lui dit, oui, les politiciens, ils sont scandalisés, machin, mais il n'y en a aucun qui est bon pour réglementer. Exactement. Et en soi, mais je trouve que c'est ça le vrai problème. La difficulté, c'est que si la France réglementait, ça ne servirait à rien, puisque ce sont des problèmes internationaux, ça. Ce sont des grandes entreprises internationales. Donc le droit français ne changerait rien à la chose. Et qu'est-ce qu'on devrait attendre de cet homme qui se dise, eh bien moi, je vais dans une entreprise française à un prix décent et je travaille pour on la France. On pourrait attendre qu'il ne prenne pas cet argent, peut-être, ou bien qu'il le reverse dans des conditions qui seraient sociales, qui fait que bon, ce serait très bien. Qu'il vive un petit peu de la sécurité sociale. Et puis en effet, qu'on régule comme dans le privé, c'est ce qui se passe sur les salaires dans le monde du privé. Mais au fond, on peut pas demander au monde libéral d'avoir des règles qui sont celles du social. Donc il faut savoir dans quel monde nous vivons, tout simplement, une fois de plus. Tiens, justement, j'ai entre les mains un ouvrage. Je vois Robin Renucci et Bernard Stiegler, le philosophe, s'élever d'urgence. Il est question de consumérisme qu'est-ce qui a mené à cet ouvrage Bernard qui est paru aux éditions de La Tribu. Oui, Bernard Stiegler, c'est un philosophe de la technique, donc je trouve très intéressant la façon dont il parle aux gens et justement où il considère les outils techniques comme sont le numérique entre autres, comme des pharmacons, c'est-à-dire des objets qui sont à la fois des soins et des remèdes, donc la façon dont on utilise ces outils-là nous transforme. Pharmacon, quand on parle de Sanofi, c'est intéressant, je trouve. Oui, exactement. Donc voilà, c'est un philosophe qui est très intéressant, je trouve, sur son regard sur justement le monde de la contribution à venir que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens que de considérer l'autre comme un client ou un acheteur et qu'on va passer dans une autre époque. Donc quand nous parlons de s'élever du genre, c'est pour reparler de la question de l'éducation, de la transmission, de la formation, de savoir d'où l'on vient et puis d'essayer de repérer, comme Jérémy Rifkin le fait, d'autres moyens, si vous voulez, de réfléchir à l'avenir de nos sociétés. Alors, on entend bien que vous êtes impliqué, citoyen. Je note aussi que vous êtes porté candidat à la réserve citoyenne de l'éducation nationale. C'est parmi les 11 mesures annoncées par le chef de l'État après les attentats de janvier, dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Vous parlez beaucoup d'enseignement, etc. Oui. C'est quelque chose en qui fait, on m'a qui requis. Que... La ministre de l'Éducation nationale m'a demandé de l'accompagner, d'être ambassadeur de cette notion. Mais pour moi, j'y vois simplement une pensée... un peu particulière, c'est-à-dire que les grands plans, je m'en suis toujours méfié, vous voyez, des grands plans, voilà, la réserve citoyenne qui consisterait à ce que le monde de l'école ne soit pas étanche, mais qu'on fasse appel à des gens de l'extérieur pour venir dans le monde de l'école. D'abord, il faut rappeler que ça existe depuis des décennies, hein, des dizaines d'années où les uns et les autres font ce travail, les artistes dans les classes, des associations d'éducation populaire qui travaillent en ce moment même et qui nous écoutent peut-être à ce travail extrêmement pérenne et qui ont les plus grandes difficultés financières, dont les mêmes ministres si vous voulez, coupe les subventions. Donc, vous voyez, une réflexion à mener sur cela. Donc, ça existe depuis longtemps. Simplement, je voulais que dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle que je prône, c'est-à-dire le fait que les enfants puissent être élevés par l'art au sein de l'école, comme un fondamental, si vous voulez, que dans les fondamentaux de l'école primaire, que l'on appelle lire, écrire et compter, on fasse entrer lire, dire, écrire et compter. Parce que l'expression de soi, la capacité de passer du bavardage à la parole pour un enfant, ou de la gesticulation au geste, ou de l'excitation à la concentration... Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Non, parce que je trouve que la professeure qui est à côté de moi est très intéressante. Est-ce que ça. Vous pensez à Nicolas Sarkozy quand vous dites ça? Par exemple, de l'excitation à la concentration. Oui, quelles images ont les enfants des adultes dans le monde d'aujourd'hui? Donc on a l'impression que le monde que l'on voit détricote le monde de l'école. Et donc ce que nous pensons de l'éducation artistique et culturelle peut totalement entrer dans la question de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'autre chose qu'un citoyen? C'est quelqu'un qui écoute l'autre, qui, lorsqu'il parle, suppose que l'autre peut prendre la parole et qu'on est dans un dialogue et un échange. Donc, le vivre ensemble. Oui, et le faire ensemble. Donc, créer des débats citoyens au sein des écoles, qui est la possibilité d'un club théâtre qui soit plus actif, soutenu par un projet d'établissement, par exemple, et que ces élèves aient la capacité de discerner le monde, d'avoir un esprit critique plus important, de savoir cribler le monde de l'information, comme Internet, par exemple. Car on voit à quel point c'est une source de destruction et de malaise, comme Bernard Stiegler le démontre, donc un poison, et en faire des remèdes, c'est-à-dire des moyens où les citoyens, en herbe, puissent avoir un esprit plus critique pour voter également leurs représentants d'une manière plus intelligente que par la croyance ou l'idée du complot, par exemple. On aurait adoré vous avoir comme prof, Robin Renucci. Donc, heureusement, vous êtes candidat à la réserve candidat à la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Et donc, je rappelle les références de cet ouvrage, hein, Robin Renucci et Bernard Stiegler, S'élever d'urgence, un entretien réalisé par Éric Fourreau, c'est aux éditions de La Tribu. Guillaume Meurice, vous aussi, vous faites œuvre citoyenne chaque jour, engagée, téméraire même. J'essaye à mon petit avec niveau. Avec un sujet de société aujourd'hui. Oui, chronique judiciaire aujourd'hui. Je me suis intéressé à la plainte déposée par les AFC, les associations familiales catholiques, contre le site internet Glidden, spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Glidden, ce qu'on appelle plus communément les faux culs, j'ai rencontré pour vous ce matin la porte-parole du site, Solène Payet. C'est pas un site sexuel, c'est un site vraiment qui se veut premium. D'accord, donc en fait c'est juste pour jouer au Scrabble, c'est pas du tout pour avoir des relations sexuelles. Non, parce qu'il y a sexualité et voire pornographie. Donc sur Glidden, les femmes on sait pourquoi elles sont là. Hein. Bon, après, il y a des femmes qui vont être sur Glidden juste pour la rencontre virtuelle, qui n'iront pas plus loin, qui vont se dire... Ah ouais ? Oui, il y a des femmes qui vont juste draguer sur Internet pour se rassurer. Ça, c'est typiquement un truc de femme ou il y a des hommes qui peuvent faire ça ? Je pense que c'est un petit peu plus féminin. Voilà, alors, bon, elle est au féminisme, ce que Jean-Marie Bigard est à la dentelle de Bayeux, mais c'est la porte-parole du site Glidden. Hein. Ce n'est pas Simone de Beauvoir, je vous le rappelle. J'avais une autre question pour Solène. Est-ce que vous êtes en couple ? Oui, je suis en couple. Est-ce que vous êtes sur Glidden ? Oui, je suis sur Glidden, puisque c'est mon métier aussi de contrôler un petit peu ce qui se passe sur le site. Ouais. Vraiment ? Oui, oui, oui. Non, mais je la crois. Hein. Vous avez l'adresse pour Vizorek ? Je vois qu'il est intéressé. Non, pas de procès d'intention. Moi-même, j'ai une formation en premier secours. Eh bien, je vais régulièrement sur YouPorn pour contrôler si les gens ne se font pas des luxations de l'épaule en tentant des positions acrobatiques. Hein. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Ceux à qui Glidden pose problème, ce sont les AFC, donc les associations françaises catholiques. J'ai donc appelé leur président, Jean-Marie Andrès, et on a parlé divorce. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 50% des toxicos sont les enfants du divorce. 70% des jeunes qui sont suivis en soins psychiatriques sont issus du divorce. Non, mais alors attendez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est le mariage qui est la cause de tout ça. Non, c'est le divorce qui est la cause de tout ça. Ben oui, mais pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Il faudrait inciter les gens à ne pas se marier, non ? Non, je pense qu'il ne faut pas jouer avec les mots, il faut être sérieux, cher monsieur. Ah ben non, mais là, je suis tout à fait sérieux. Vous êtes en train de me dire que le mariage est cause de catastrophe. Non, je pense que... Je ne suis pas certain, en fait, que ce soit un très bon sujet pour rigoler. Ben non, mais reconnaissez quand même que la première cause de divorce, c'est quand même le mariage. Enfin, c'est carrément ridicule. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Bon, bah, restons-en là avec Jean-Marie. Mais poursuivons avec le porte-parole d'une de ces fameuses associations catholiques. Elle s'appelle les Précurseurs. Ce sont eux qui, les premiers, hein, comme leur nom l'indique, ont lancé une pétition contre Glidden. Alors, Glidden, c'est aussi la contraction de Gli et d'Éden. Donc, Gli, c'est jubilation et Éden, c'est le paradis. Il y a quand même une idée de religion là-dedans. Le paradis, c'est quand même religieux. Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'il joue, effectivement, sur cette notion un peu religieuse, sur la pomme, la tentation, Ève, etc. Ben voilà, mais ils font aussi la promotion à leur manière de ces références bibliques. Je ne sais pas, je vous laisse trouver la réponse. Ah bah pour moi, c'est clair, hein. Même si, reconnaissons-le aussi, au paradis, Ève et Adam n'avaient pas vraiment la possibilité d'être infidèles l'un envers l'autre. Enfin si, mais en couchant avec leurs enfants. Donc le paradis serait-il l'autre nom du Nord-Pas-de-Calais ? Bon, c'est une piste, c'est une piste. Je vous interdis, mais bon, nous non, mais on s'éloigne du sujet qui est la publicité pour l'adultère qui causerait des ravages dans les familles. Du coup, j'avais une autre question. Pourquoi ne pas faire un procès aux constructeurs de voitures qui font, eux, la promotion de la vitesse à longueur de publicité ? Et la vitesse qui fait des morts, quoi, contrairement quand même à l'infidélité. Oui, bah, l'infidélité et les divorces peuvent créer des morts par des suicides ou des dépressions qui sont dramatiques. Ah oui, c'est vrai. Hein, il faudrait que la sécurité routière arrête de nous emmerder avec les morts au volant et qu'elle commence par étudier les statistiques des collégiens qui se foutent en l'air après que leur copine les ait trompés avec Jean-Luc Lahaye. Et là, on pourra en reparler. Mais bon, notre ami précurseur, il a quand même une vision sélective. Je ne les vois pas, les publicités qui font la promotion de la vitesse au volant. Ah, peut-être parce que vous vous sentez plus concerné par la promotion de l'adultère. Bien sûr, bien entendu. Ah, est-ce que ce n'est pas simplement parce que votre femme est inscrite sur Glidden ? Je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais je ne vous laisserai pas ses coordonnées. Donc. Ah ben non, sinon j'aurais même pas besoin d'aller sur Glidden. Voilà. Il est méfiant, il me donne pas les coordonnées de sa femme, on sait jamais. Car l'infidélité peut frapper tout le monde et à tout moment, personne n'est à l'abri, y compris dans notre émission. Ah non. Eh oui, d'où ma dernière question à Solène Payet, la porte-parole de Glidden. Est-ce que vous pouvez me dire si sur le site... Il y a la femme d'André Manoukian qui est inscrite ou pas, parce qu'il est très inquiet. C'est confidentiel, donc je ne vais pas pouvoir lui donner cette information, malheureusement. Et est-ce qu'il y a André Manoukian lui-même ? Pareil, c'est confidentiel. On n'en saura pas plus sur la fidélité d'André vis-à-vis de sa femme, mais vis-à-vis de nous, on peut en parler, on le voit de moins en moins, André. Hein ? Tu nous mens ! On sait bien que tu nous trompes avec cette salope de nouvelle star, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, franchement ? Benjamin Castaldi ? Mais on pourrait dire à Charline qu'elle utilise moins de vocabulaire et qu'elle sourit bêtement pour qu'il lui ressemble. Allez, Dédé, reviens maintenant. Bon. Allez, j'arrête de m'énerver parce que, pour résumer, je viens de parler des associations françaises catholiques, de Glidden et de la Nouvelle Star. En voulant les moquer, je leur ai fait de la pub. Du coup, j'ai bien l'impression que le cocu dans l'histoire, c'est moi. Une fois de plus. Merci Guillaume Meurice pour cette brillante enquête. Et je rappelle qu'on retrouve Dédé Manoukian demain. On lui posera la question. Il est à Chamonix, on l'embrasse, il se ressource, il va revenir demain. Dédé Lamanouk 3 sur Glidden, si vous le cherchez. Allez, vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter en compagnie de Robin Renucci. Et avec vous, écoutez, on détricote l'actualité, on va détricoter ce troisième sujet ensemble. Ah. Alors, on ne les regardait déjà pas en télé, donc il y a peu de chances qu'on aille les voir au théâtre. Je le répète parce que ça fait du bien de le dire. C'était drôle. Les animateurs de télévision montent sur les planches. Après tout, leur métier, c'est de libérer de l'espace de cerveau disponible. J'ai appris un truc, c'est qu'on n'est pas du tout de la même planète. Parce que la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe, c'est les cheveux. Vous savez quoi, quand on doit sortir pour aller au restaurant et que notre nana fait « Oh, je déteste mes cheveux !» Bon, je vais prévenir le resto qu'on aura 2 heures de retard alors. Vous n'entendrez jamais un homme dire « Je déteste mes cheveux » parce que nous les hommes, tant qu'on en a encore des cheveux, on les aime. Et on va rien leur dire de méchant qui pourrait leur donner envie de partir. C'est ça la vraie différence entre l'homme et la femme. C'est pas le sexe, ce sont les cheveux. Voilà, le premier d'entre eux, c'est Arthur. Voilà. Il a ouvert la voie à Cécile de Minibus, par exemple, Stéphane Plaza ou Jean-Luc Reichmann, qui présente des jeux sur TF1. C'est une pleine page dans Le Parisien aujourd'hui. Alors là, dans ce qu'on vient d'entendre d'Arthur, Robin Renucci, je me suis dit, pour faire référence à votre bouquin, là, on sent vraiment le modèle culturel inspiré du Conseil National de la Résistance. On est en plein là-dedans, non ? Mais oui, parce que c'est codé. C'est sûrement pas aussi con que ça en a l'air. Imaginez qu'il ait envie d'être invité aux Enfants de la télé, voilà, vous êtes mal. Ah ouais. Dites du bien d'Arthur. Bah, chacun a sa chance sur les planches. Non, mais ça m'est très difficile de dire du mal d'autres comédiens, parce qu'au fond, c'est non, on parle d'Arthur. C'est une question de rapport au public, disons quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec le public ? Voilà. Est-ce que c'est un public qui vient uniquement dans le divertissement, ou est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui permettre aux gens de se divertir du divertissement ? Puisque on regarde la télévision d'une manière qui est devenue anesthésiante. Mm-hmm. Donc, et puis on va à nouveau au théâtre voir des choses qui nous montrent à nouveau. Donc on voit que le monde est très bien organisé de telle sorte que nous restions dans le entre-soi de cette industrie de masse, industrie qui n'est pas culturelle, ou au fond qui l'est. Parce que si on fait la différence entre une industrie qui serait artistique, elle nous amènerait à partager quelque chose, à créer quelque chose, à être œuvré, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez, quelqu'un qui est œuvré par ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce qui ne veut pas dire que c'est sérieux, c'est il y a une quantité de sujets à traiter qui puissent être drôles, mais simplement on voit que c'est à nouveau de l'anesthésie qui rentre dans le monde du théâtre, et les théâtres parisiens privés sont dirigés maintenant par des mondes de l'industrie de programmes, donc on tourne en rond. Mais est-ce que ces gens-là, dont la popularité est énorme, et je vais prendre quelqu'un qui n'est pas animateur, mais Gad Elmaleh, apparemment, quand il était à Florent, disait « Moi, j'aimerais tellement jouer le menteur de Corneille, qui est un super texte mais pour un comique. » Mais oui, mais est-ce que ce serait bien que ces gens-là amènent leur public à venir voir du Corneille, par exemple ? Je ne crois pas que ce soit leur désir, tout simplement. C'est que il l'avait mentionné quand il était étudiant comédien. C'est bon de lui rappeler, en effet. C'est pour ça que je le fais. C'est vrai que Le Menteur est une pièce très drôle, justement. Oui. Tout à fait. T'as un tout petit peu passé l'âge maintenant. Mais justement, créons, puisque nous parlons des auteurs, soutenons les auteurs au maximum, ce qui n'est pas le cas suffisamment. Donc continuons à soutenir les auteurs qui puissent nous transmettre quelque chose qui nous œuvre un peu. Et dans l'article du Parisien, donc Cécile de Minibus, animatrice qui joue au théâtre Le Bouffon du Président. On va pas faire de pub. Elle dit, on est tous un peu des saltimbanques VRP. Oui, voilà, bah, donc c'est une formule, c'est une formule, hein, de... Tout à fait, oui, c'est ça, exactement. Alors, dans un sens, ça marche, parce que beaucoup étaient comédiens, ont fini animateurs. Est-ce que vous, par exemple, le juste prix, ça vous tenterait si la gaffe avait un petit croquis ? Je vais y courir. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il faut rappeler que ces acteurs-là ont été formés dans des écoles d'art dramatique qui produisent ce genre de contexte, on va dire. Donc c'est un petit peu ce qu'il faudrait retrouver, c'est le contact vraiment avec un public qui a envie d'autre chose. Alors, une dernière chose concernant ce sujet, dans votre livre, vous rappelez, parce qu'on rigolait avec le Conseil National de la Résistance, mais vous voulez rappeler le rôle qu'a joué la culture dans le maquis. Et je me disais, dans cette période grave aussi, le rôle de la culture, justement... Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de passer de cette obscénité dont nous parlons, qui ne veut pas dire nécessairement la pornographie ou autre chose, c'est-à-dire le fait que tout est montré, si vous voulez, tout est dit à quelqu'un qu'on considère comme un récepteur par rapport à un émetteur. J'envoie quelque chose, et puis je montre tout, et puis on se contente d'envoyer. C'est passer au d'une symbolicité, c'est-à-dire que ce qui fait opposition à l'obscène, c'est le symbolique qui fait que l'autre en face construit quelque chose. Je prends l'exemple de la langue française. C'est pour ça que je parle autant de l'école. Regardez notre langue française. Contre nous, de la tyrannie yeux, l'étendard sanglant est levé. C'est ce que chaque enfant apprend à l'école. Et ce que chantent nos présidents de la République et même notre ministre de l'Éducation nationale souhaiteraient qu'elle soit entendue partout dans l'école. Contre nous, de la tyrannie yeux, l'étendard sanglant est levé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est belge, elle est belge. C'est violent. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez? Pas grand-chose, à vrai dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est notre hymne national. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Alors, aux armes, citoyens. L'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La langue est détruite parce que justement nous ne l'entendons plus. Donc le théâtre, ça sert justement à faire entendre, à faire que des oreilles puissent construire quelque chose. C'est ça que je dis que c'est symbolique. L'autre achève quelque chose et non pas être un récepteur d'un verbiage qui passe dans n'importe quel sens. Oui, moi c'est vrai que pendant très longtemps j'ai cru que l'hymne commençait par « À nos enfants de la patrie ». Je l'ai chanté comme ça, enfin je le chante pas souvent, mais jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est après que j'ai découvert qu'en fait ça commençait par « Allons ». Vous savez, déjà dès le début. Il y a beaucoup d'enfants qui entendent Maître Corbeau sur un arbre perché. Mais qu'est-ce que c'est qu'un arbre perché? Ça n'existe pas. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Donc la langue, c'est une question de destruction dans laquelle nous affrontons, dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, si vous l'écoutez bien, sont à nouveau des éléments de langage, et qui fait que nous avons envie, les uns et les autres, de nous parler. C'est ce qui s'est passé pendant Charlie, qui est en train de disparaître à nouveau, ou ce désir-là, qui s'est quand même résumé par un slogan. Ne le laissons pas au stade de slogan. Mais ce désir d'être ensemble, nous l'avons vécu parce que nous avons fait ensemble. Nous sommes mis debout ensemble. Eh bien, il faut continuer avec la langue. Eh bien, nous, Romain Renucci, on était vraiment ravis d'être ensemble et de... Même si on a attaché l'actualité au radiateur avec vous, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour ce moment, comme dirait l'autre. C'était un plaisir, très bouquin. Érotique, la Charline. Tous ces hasards qui n'en sont pas, l'autobiographie donc, de Romain Renucci aux presses de la Renaissance. Merci à tous. Écoutez, on va se quitter. Demain, on reçoit Daniel Pennac, qu'on relira attentivement, oui, d'ailleurs. Et on laisse le mot de la fin à Jean-Christophe Cambadélis qui ce soir va taper du poing sur la table. Croupir ! On reste croupir ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il croupir ! Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble.